maître, je serai sur une autoroute? Oui, réponse A. Non, réponse B. Les dépassements seront possibles? Oui, réponse C. Non, réponse D.